après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, ô Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, mon Dieu? Mon âme a soif de toi, ô Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, mon Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, alors que l'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Alors que l'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi mon âme t'a battu et gémis-tu en moi, espérant Dieu, espérant Dieu? Oui, je le louerai encore, il est mon salut. Oui, je le louerai encore, il est mon salut. Oui, je le louerai encore, il est mon salut. Je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Un flot, au bruit de tes ondées, tes vagues et tes flots, sur moi sans cesse passe. Jour éternel, tu m'as accordé ta grâce, et la nuit, dans mes veilles, je chantais tes louanges. J'adressais une prière au Seigneur de ma vie, lui disant, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outrent, quand ils me disent sans cesse, mais où est donc ton Dieu? Pourquoi mon âme t'a battu et gémis-tu en moi? Espérant Dieu, espérant Dieu. Oui, je le louerai encore, il est mon salut. Oui, je le louerai encore, il est mon salut. Oui, je le louerai encore, il est mon salut. Oui, je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu.